Oui, pourquoi cette visite? Pourquoi Aglaé Ivanovna veut-elle venir chez moi? Répondez, Vera. Je l'ignore, prince. En vérité, Aglaé Ivanovna ne m'a fourni aucune explication. Elle m'a dit seulement: je prie le prince de ne pas quitter sa chambre. Je viendrai le voir entre 7 h et 9 h du soir. C'est tout. Excusez-moi. Je posais à Vera d'autres questions sans réussir à tirer d'elle une réponse sensée. Alors, désespéré, je la congédiai. Je m'étendis sur le sofa et je me remis à penser à la visite que devait me rendre Aglaé. Vers 8 h, quelqu'un frappa à ma porte. C'est Aglaé, me dis-je avec effroi. Ce n'était pas elle. C'était Hippolyte, le jeune phtisique. Il tenait à peine sur ses jambes. La sueur lui mouillait le front et ses yeux brillaient d'un éclat insoutenable. Il se laissa tomber dans un fauteuil. Bientôt, il fut saisi d'une telle crise de toux qu'il finit par cracher du sang. Enfin, il recouvrit l'usage de la parole. Je m'en vais, prince. Voulez-vous que je vous reconduise? Vous avez l'air vraiment souffrant. Non, ce n'est pas d'ici que je m'en vais. Je m'en vais là-haut, prince. Et cette fois, pour de bon, semble-t-il. Vous auriez mieux fait de m'appeler, Hippolyte. Je serais venu chez vous immédiatement. Vous n'allez pas bien et cette fatigue supplémentaire... Ça suffit! Vous m'avez plaint? Vous avez donc accompli votre acte de charité en pensée. Ne recommencez plus, je vous en conjure. Et vous? Comment vous portez-vous? Pas très bien. Hier soir, j'ai eu... Je sais. Je sais. Le vase chinois m'a pâti. Je regrette n'avoir pas été présent à cette réception ridicule. Mais parlons d'affaires. Ah, est-ce vraiment nécessaire, Hippolyte? Tout d'abord, j'ai eu le plaisir d'assister au rendez-vous que cette canaille de Gagna a eu avec Aglaé Ivanovna dans le parc, près du fameux banc vert. Vous semblez ne plus vous étonner de rien, prince. On dit que celui qui ne s'étonne plus de rien est un esprit supérieur. À mon avis, ce pourrait être également la preuve d'une grande sottise. Oh, veuillez me pardonner. Je ne choisis plus mes expressions. J'espère que je ne vous ai pas blessé. Mais non, pourquoi? En effet. Replié sur vous-même, rien ni personne ne peut vous atteindre. Et cependant, je suis persuadé que le tête-à-tête d'Aglaé Ivanovna et de cette fripouille de Gagna sur le banc vert ne vous fait pas plaisir. Je vous serais très reconnaissant de ne pas mêler le nom d'Aglaé Ivanovna à celui de Gabriel Ardalionitch. En tout cas, lorsque vous êtes en ma présence. C'est bien. Je ne le ferai plus. Ni en votre présence, ni en dehors de vous. Je vous entretiendrai de moi. Ou plutôt de ma mort prochaine. Car avouez qu'il est difficile de disparaître de ce monde sans laisser, comme on dit, un message derrière soi. Voilà donc mon message. Parlez, Hippolyte. Ah, non, décidément non. Souffrez, prince, que je commence par Aglaé Ivanovna et Gabriel Ardalionitch. Figurez-vous que moi aussi, j'ai été invité à me rendre au parc. Comment? Est-il possible qu'Aglaé Ivanovna vous ait invité en même temps que Gabriel Ardalionitch? À vrai dire, c'est moi qui avais insisté pour être invité, promettant d'apporter un témoignage décisif. Bref, à peine avais-je occupé ma place à côté d'Aglaé Ivanovna que j'aperçus cette canaille de Ganitschka et sa sœur Varvara, bras dessous, comme s'ils allaient en promenade. Ah, si vous aviez pu voir la tête qu'ils firent en m'apercevant sur le banc vert à côté d'Aglaé Ivanovna, mais vous auriez éclaté de rire. Quelle tête, mon Dieu! Abrégez, je vous prie. Après quelques minutes d'hésitation, ils s'approchèrent de nous, saluèrent profondément Aglaé Ivanovna et me regardèrent avec haine. Vous ne pouvez pas vous imaginer combien m'était douce cette haine que je lisais dans leurs yeux. Ensuite, s'il vous plaît. Ils ne purent tirer un son de leur gorge. Alors, Aglaé Ivanovna se leva, rouge de honte, et déclara: je vous ai invité ici pour vous remercier de l'amitié que vous m'avez manifestée tous ces derniers temps. Mais cette amitié commence à me peser. Alors si cela ne vous fait rien, je n'en veux plus, c'est tout. Et encore une fois, merci. Elle les salua et se rassit sur le banc à côté de moi. Ce lourdeau de Gagna n'avait rien compris. Il ne se décidait pas à partir, il attendait. Mais sa sœur Varvara, elle, fine mouche, s'était rendu compte qu'Aglaé Ivanovna avait dit tout ce qu'elle avait à dire et qu'il fallait vider les lieux au plus vite. Elle me jeta un dernier regard, saisit son frère par le bras et l'entraîna avec elle. Êtes-vous resté longtemps avec Aglaé Ivanovna après le départ de Gabriel Ardalionitch et de sa sœur? Non, quelques minutes seulement. Je lui ai donné mon avis au sujet de sa rencontre avec Nastasia Philippovna. Avec Nastasia Philippovna? Oh, quelle funeste idée! Ah! Vous avez enfin perdu votre sang-froid. Et vous commencez à prendre intérêt à ce que je vous raconte. Que savez-vous de la future rencontre d'Aglaé Ivanovna et de Nastasia Philippovna? Il faut absolument empêcher qu'elle se trouve face à face. Ce serait... Un scandale! Non. Non. Mais un grand malheur. Pour qui, s'il vous plaît? Pour elles deux. Que malheur arrive à Nastasia Philippovna, cela m'est égal. Je ne l'aime ni ne l'estime. Et ses souffrances morales et autres me font hausser les épaules. Je serais plus sensible si un malheur devait arriver à Aglaé Ivanovna. Et ceci malgré le soufflet qu'elle m'a administré aujourd'hui même. Au figuré, je suppose, Hippolyte. Non, au propre. J'ai reçu un soufflet tout à fait réel, prince. Cependant, il me semble que personne ne devrait lever la main sur un malade tel que moi. Pas même une femme. Je parie que je devine votre pensée en ce moment. Vous vous dites, on n'a plus besoin de le frapper. On pourrait tout aussi bien l'étouffer avec un oreiller pendant qu'il dort. C'est bien cela, n'est-ce pas? Je vais penser une chose pareille. Vraiment? Alors acceptez mes excuses. J'ai rêvé cette nuit que quelqu'un m'étouffait avec un torchon trempé dans de l'eau. Moi, je rêve souvent que quelqu'un m'enfonce dans la poitrine un long couteau. Vous voyez? Nous faisons le même genre de rêve. N'est-ce pas étrange? Ah, n'en parlons plus. Sachez qu'Aglaé Ivanovna m'a traité de colporteur de ragots. Et remarquez-le bien, elle l'a fait après m'avoir écouté jusqu'au bout et même redemandé certaines choses. Ah, les femmes sont ainsi. Pourquoi Aglaé Ivanovna vous a-t-elle traité de colporteur de ragots, Hippolyte? Je n'en sais rien, prince. Car c'est pour elle que je m'étais mis en rapport avec ce fils de marchand parfait, Rogojin. Et c'est dans son intérêt que j'avais ménagé ce rendez-vous avec Nastasia Philippovna. Il est vrai que j'ai froissé son amour-propre en lui disant qu'elle semblait se contenter des restes de Nastasia Philippovna. Que voulez-vous dire avec les restes? Mais c'est infâme, Hippolyte, vous croyez? Après tout, vous avez peut-être raison. C'est une expression vile. Mais le mot, les restes, dit bien ce qu'il veut dire. Une personne distinguée et fière comme Aglaé Ivanovna n'a pas à disputer ses hommes à une Nastasia Philippovna. Or, non contente de s'humilier de la sorte, Aglaé Ivanovna sollicite maintenant un rendez-vous de cette catin. C'était L'Idiot, un feuilleton de Georges Govy inspiré de Dostoïevski, avec Pierre Vanek, le prince Mishkin, Michel Bré, Vera, René Ferral, Hippolyte et Ginette Taffin, Aglaé. Musique d'Edgar Cosma, production réalisée dans les studios de la RTF à Nice par Yves Dariet, avec la collaboration de Jacques-Élie Moreau et le concours de la troupe dramatique régionale.